Thank you. obligé d'aller le chauffer parce que quand il est froid, il accroche. En général, avant de jouer, je les chauffe avec un sèche-cheveux.